Donc, je suis Gabriel Béard, je suis président de l'association des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire. Et nous pensons que la meilleure des préventions, c'est de sortir du nucléaire militaire et civil. Dans ce film, vous avez peut-être pu remarquer que la ville dont on parle, qui est proche de Fukushima par la préfecture, s'appelle Date. Et la semaine dernière, j'ai rencontré le maire de Date qui est venu à Paris avec une délégation japonaise pour parler de cette situation. Et je trouve que ce film représente bien, si vous voulez, un problème qui est souvent passé ou, disons, minimisé, qui est la très grande anxiété des populations. Et de ce point de vue-là, on retrouve la même chose dans bien d'autres endroits. Par exemple, au Kazakhstan, autour de Chanukalatis, qui est la zone d'essai nucléaire soviétique. Par exemple, en Polynésie française. Par exemple, au Sahara algérien. Et aussi le long de la rivière Técha en Sibérie. Donc, si vous voulez, c'est un élément important. Mais mes amis japonais m'ont demandé de parler ici ce soir, plus particulièrement de ce que vous voyez dans le film, qui est la question de l'atteinte de la thyroïde. Alors, ce que je voulais dire au préalable, avant même de rentrer dans le vif du sujet, c'est que l'aspect principal de toutes ces questions, c'est la question de la confiance. Et le fait que, comme vous avez pu voir dans ce film, les gens perdent toute confiance, d'abord dans les institutions qui leur racontent, disons, un discours dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est éloigné de la réalité. Puis ensuite, de tout ce qui peut représenter, si vous voulez, entre guillemets, une autorité, est un élément central. Et ça n'est pas parce que on est dans une position différente, ce qui est la mienne, que pour autant on doit être cru sur parole. Autrement dit, si je prends l'exemple de la France par exemple, le dernier sondage qui a été fait par l'autorité de sûreté nucléaire montre que 3 Français sur 4 sont persuadés qu'il y aura, que les centrales ne sont pas sûres et qu'il y aura un incident en France. 55% d'entre eux disent d'avance qu'ils ne croiront pas ce que diront les autorités. Donc vous voyez que cette question de la confiance et donc cette question du discours lui-même est tout à fait cruciale. Alors comment peut-on faire autrement? Après tout, il n'y a pas plus de raison de me croire, moi, que de croire les gens de l'autorité de sûreté ou bien du CEA. C'est peut-être dans la méthode qu'on doit se différencier. Ce qui me paraît important, c'est que quand on apporte des éléments, premièrement de dire d'où ça sort. Ça, c'est l'élément numéro 1. Deuxièmement, avant d'avoir tout discours péremptoire qui mélange l'étude des faits et sa propre opinion, je crois qu'il est important de séparer les deux. Et troisièmement, le véritable problème n'est pas dans le mensonge évident absolu, de même qu'il n'y a pas une vérité évidente et absolue. Le drame, c'est les demi-mensonges. Le drame, c'est l'à peu près dans la vérité. Et donc, je vais essayer, autour de cette question du cancer de la thyroïde, de voir, chemin faisant, comment on peut essayer de deviner un peu cette situation. Alors, sur le problème, si vous voulez, du cancer de la thyroïde, et plus exactement, si vous voulez, le plus fréquent d'entre eux, qui est le cancer papillaire, bon, il y a plusieurs cancers de la thyroïde, le cancer papillaire étant le plus fréquent et dans l'ensemble à évolution plus favorable. Relativement bénin, puisque le. Et donc, si vous voulez, partons de ça et posons une première question que tout le monde se pose. C'est finalement, quelle est la fréquence, quelle est l'incidence, les médecins disent la prévalence du cancer de la thyroïde dans le monde. Et si vous voulez, voyons voir que dit les études, et je l'ai ici à votre disposition pour la consulter, qui a été faite en France. Bon, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette question dans lequel, déjà dans la réponse, il faut noter que pour répondre à celle-ci, simple, quelle est la fréquence du cancer de la thyroïde dans le monde, il faut y ajouter, elle a été mesurée dans les pays uniquement développés. Et pour les autres, nous n'avons pas de données. Alors le résultat global donne, si vous voulez, comme incidence annuelle, le mot annuel est important, 2,5 pour 100 000 sujets, mais de 2,5 à 20 pour 100 000. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir mesuré ces éléments, vous voyez qu'il y a une différence considérable selon les zones, selon les régions. Je pousse plus loin. Quels sont les pays qui ont l'incidence la plus élevée? Alors arrive en tête la Suède, dans laquelle il y a à peu près 19 pour 100 000 pour les femmes et 12 pour 100 000 pour les hommes. La référence ici est à votre disposition, qui est l'étude suédoise qui a été faite jusqu'en 1988. Et vous avez d'autre part deux autres endroits où spontanément la fréquence des cancers de la thyroïde est élevée, c'est l'île d'Hawaï, puisque là on arrive à 24 pour 100 000, et normalement le Japon aussi, mais dans lequel les données sont pour le moins récentes, sont pour le moins peu connues. Moi, la seule référence que j'avais, c'est celle de 1975. Donc vous voyez qu'elle est un peu ancienne et qu'elle ne répond pas complètement à la question. Alors prenons un autre exemple qui est notre pays, la France. L'étude qui est ici, à votre disposition, a porté sur 8 départements. Pourquoi seulement 8? Vous voyez les questions qui s'enfilent derrière. Eh bien parce que c'est les 8 départements dans lesquels il y a ce qu'on appelle le cahier du cancer. Et si on n'a pas fait dans les autres, c'est qu'on n'avait pas de données suffisantes. Donc sur ces 8 départements, on trouve une incidence de 10,6 pour les femmes et de 3,11 pour les hommes. C'est-à-dire que, en globalement, la France se situerait dans la moyenne. Si on s'arrête là, bon, bah, ça vient. Mais voyons les choses plus près. Par exemple, cette fréquence pour les femmes dans le département des Ardennes est de 2,8. Dans le Tarn, de 13. Pour les hommes, elle est de 0,3 dans les Ardennes, 4,9 dans l'Isère. Donc vous voyez que déjà, dans l'Hexagone, à partir d'une étude, on voit des différences considérables selon les régions. Prenons un exemple qui est connu, puisque ça a tout de même percé les médias et qu'on en a parlé, qui est l'exemple de la Corse. Là, cette fois-ci, on a une fréquence pour les femmes de 12,7, et pour les hommes de 6,8. Donc là, on a une région qui est globalement avec une incidence plus élevée que dans le reste de la France. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Non, ce serait une demi-vérité. Il faut voir et répondre à la question, mais en dehors des hommes et des femmes, vous avez vu qu'il y a des différences, puisque les femmes ont plus d'incidence de cancer que les hommes. Il faut encore répondre sur le problème de l'âge. Et si on reprend la même étude française, si vous voulez, on voit qu'entre 0 et 4 ans, la fréquence est de 0,06 pour 100 000, qu'entre 5 et 9 ans, elle est de 0,14, mais qu'entre 10 et 14 ans, elle est de 0,47. C'est-à-dire que vous voyez, nettement plus élevée que celle des petits-enfants. Et donc, tout confondu, en ce qui concerne les 0,14 ans, sur lesquels on va revenir, on a une fréquence de 0,2 pour 100 000. Alors, à partir de ces données-là, et cette fois-ci, je veux dire, c'est un commentaire, cette fois-ci, c'est une opinion, et ce n'est pas des données chiffrées, quel est, pour mon opinion, ce qui me paraît important à communiquer, qu'on va discuter ensemble? Premièrement, c'est l'énorme hétérogénéité de l'incidence de ce cancer. Et il n'est pas le seul, mais celui-là tout particulièrement. D'autre part, une grande prudence quand on va vouloir comparer ces chiffres. Faire très attention. Si, par exemple, en première analyse, on dit, on va comparer ce qui se passe en France avec ce qui se passe à Fukushima. Soyons très prudents là-dessus, puisque vous voyez que déjà le concept de la France recoupe des différences considérables. Et ensuite, quand vous allez comparer un autre pays qui a d'autres données, ça ne va pas marcher forcément. Alors l'idée générale qui est utilisée, c'est de dire, on va comparer, en l'exemple du Japon, mettons la zone de Fukushima avec une autre région à Okinawa, une autre région du Japon. Là aussi, cette manière de comparer, sauf si les chiffres sont énormes, peut poser des problèmes aussi. Et c'est pour ça que la meilleure des comparaisons, c'est la population avec elle-même. C'est-à-dire que le meilleur élément, c'est le devenir, la dynamique. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Est-ce que c'est un phénomène partiel à une année donnée ou est-ce qu'on le retrouve sur des années successives? Autrement dit, c'est de cette manière-là qu'on se rend mieux compte. Alors, si vous voulez, de ce point de vue-là, l'idée qui vient tout de suite à la tête, sur laquelle je vais revenir, c'est de comparer avec ce qui est arrivé à Tchernobyl, dans laquelle je vous signale qu'il y a eu tout de même, tout à l'heure vous allez voir les chiffres, on va parler de dizaines, de maximum 50, pour avancer, je signale tout de même qu'il y en a eu 6 000 dans la région de Tchernobyl. Vous voyez, on n'est pas à la même échelle. Donc, si vous voulez, si on reprend ça, je vais d'abord citer une étude qui a été faite par le professeur Shinzo Kimura. Alors, cette étude est ici aussi à votre disposition. Elle me paraît importante, pour d'une part, parce que quand j'étais à un congrès de notre association au Kazakhstan, à Astana, donc j'ai écouté directement la conférence de ce collègue japonais, et dans lequel il m'a semblé, et j'ai des éléments là, que, en tout cas, il avait l'air d'avoir pris un certain nombre de précautions pour faire son étude. Alors, effectivement, il a alors, bon, examiné, alors le chiffre exact, c'est 295 689 sujets, ou en gros 300 000, et dans lequel, si vous voulez, il a fait une étude et il publie la carte pour qu'on puisse bien vérifier que chacun des points a bien été fait à ce moment-là. Il a fait une étude sur 3 ans. Et le résultat sur 3 ans, c'est qu'il a détecté 55 cas de cancer, alors de cancer avéré, papillaire, si vous voulez, le 55, c'est jusqu'en février 2014. Ce qui tendrait à dire que la prévalence annuelle, dans le cas particulier, serait de 18 pour 100 000, ce qui est la fourchette haute, mais la fourchette de l'incidence que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? C'est là où commenceraient les demi-mensonges ou la vérité un peu cachée. Il faut pousser les choses plus loin. Alors, je vous rappelle la comparaison, si vous voulez, avec la Biélorussie, par exemple, où l'incidence est pas de 18, mais de 800 pour 100 000. Et si vous voulez, de ce point de vue-là, c'est 800 uniquement d'enfants et uniquement de cancers vérifiés. Combien de temps après la catastrophe de Alors, j'y arrive, j'y arrive. Ne vous inquiétez pas. Et donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, là aussi, il va falloir qu'on franchisse une deuxième étape qui est que se passe-t-il exactement pour les enfants et quelle est la dynamique de ces résultats? Alors, je voudrais ici apporter une deuxième référence qui a été faite par un collègue qui s'appelle Toshihide Tsuda, qui a été publié par Global Research et dont le Mediapart a fait écho. Et dans laquelle lui trouve, si vous voulez, sur 239 000 examens, effectivement, pour les 0-14 ans, un résultat qui est de l'ordre de 50 enfants suspects et avérés, et dans laquelle il y a une prévalence de 5 à 12 pour 100 000, alors que pour le Japon globalement, on est à 2 pour 100 000. Voilà un des points qu'on va sortir. Puis après, je vais en soulever un autre. Le premier, si globalement, on peut dire qu'à l'étape actuelle, c'est-à-dire 3 ans après l'événement, on a indiscutablement une augmentation, mais pas très significative, pour les adolescents, cette augmentation est significative. Alors le deuxième élément que je voudrais dire ici, si vous voulez, et ça se voit dans le film, c'est la question des nodules, hein, dont parlaient tous les enfants. Et la présence de ces nodules. De quoi s'agit-il? Ces nodules sont des zones de la thyroïde, si vous voulez, qui ne captent pas l'iode et qui n'extraitent pas d'hormones. Hein, c'est ce qu'on appelle des nodules froids. Ça existe, si vous voulez, dans le monde entier, sous deux formes. une forme qui est ce qu'on appelle le goitre, et dans laquelle ces éléments sont multiples, et c'est tout souvent dans les zones où il y a une carence iodée que ça existe, et d'autre part, une forme dans laquelle vous avez un nodule isolé. Ces nodules isolés sont considérés comme précancéreux, parce que dans 10 à 15% des cas, ils peuvent dégénérer et devenir des cancers authentiques. Et donc, c'est une bonne mesure de prévention de ce qui est fait au Japon, qui est de, dès maintenant, dès le départ, mesurer cette fréquence des nodules, ce qui permet de classer des enfants à risque par rapport aux autres, et donc de les surveiller particulièrement. En effet, ce mode d'action n'a pas existé dans l'ancienne Union soviétique, qui est de Tchernobyl. Et en effet, dans les statistiques que cite d'ailleurs le collègue japonais sur les données que nous avons dans cette région, ça apparaît 3 ans, au tout début, pour les enfants, c'est 3 ans après l'accident, et ensuite, pour les adolescents, 5 ans après l'accident. Et puis après, vous avez des pics significatifs qui sont retardés de ce point de vue-là. Donc, si vous voulez, pour essayer de cerner la chose, on peut dire que dans le cas particulier de l'examen à Fukushima, il faut noter le fait en tout cas, dans la mesure où on peut comparer les statistiques, il y a bien quelque chose qui se passe chez les adolescents, que le plus important, alors ça c'est une opinion, ça c'est un fait, le plus important, de mon point de vue, c'est la méthode qui est utilisée, qui est en effet d'isoler des groupes à risque que l'on va pouvoir surveiller plus que d'autres, et l'avenir nous dira si le scénario qui va être mis en place va ressembler à celui de Tchernobyl ou va être différent. Alors, une fois qu'on est arrivé là, je pense qu'après, il faut franchir un autre saut. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est de vous dire, est-ce que ce cancer de la thyroïde n'est pas l'arbre qui cache la forêt ? Est-ce que cette manière de se fixer sur cette question-là ne fait pas occulter la totalité des problèmes qui ont lieu après une contamination massive radioactive ? Eh bien, si vous voulez, pour répondre à cette question, il faut dire 2 choses, me semble-t-il. Le premier, si ça a eu une telle importance mondiale, la question des cancers de la thyroïde de Tchernobyl, c'est que pour la première fois, y compris à l'agence de Vienne, personne ne pouvait nier qu'il y avait un lien direct entre l'explosion du cancer de la thyroïde de l'enfant et l'accident de la contamination radioactive. Donc, si vous voulez, c'était juste et normal de pointer ce problème-là parce qu'il est indiscutable. Et donc, mais par ailleurs, ça n'est pas été, ni à Tchernobyl, ni à Fukushima, la seule contamination. Dans le film, une des dames dit un truc très juste. Deuxième élément, on nous parle tout le temps de la contamination au césium. Est-ce que c'est le produit radioactif le plus dangereux ? Ma réponse est non. Il y en a un autre infiniment plus dangereux qu'on ne mesure pas comme ça, qui s'appelle le strontium. Et puis il y a bien d'autres variétés encore. Alors pourquoi le césium ? Vous le dire, et vous pouvez le vérifier, c'est que c'est le plus facile à mesurer, tout simplement. C'est parce que les spectromètres, si vous voulez, détectent très très bien le césium 137 et que c'est très pratique parce qu'il est représentatif d'une foule de produits radioactifs qu'on ne peut pas mesurer isolément, mais qui permettent, si vous voulez, comme on le voit dans le film, d'isoler des points chauds, parce que tout est hétérogène et que vous avez des points froids et des points chauds. Donc, si vous voulez, le deuxième élément, c'est que ce soit du point de vue épidémiologique, d'avoir mis l'accent sur le cancer de la thyroïde, qui heureusement est un cancer qui guérit en principe celui des enfants entre 70 et 80% des cas, mais qui néanmoins était représentatif d'une certitude, là cette fois-ci j'utilise le mot certitude, qui est le lien avec la radioactivité. Et d'autre part, à mesure du césium, eh ben, c'est tout le reste. Alors, un mot encore sur la thyroïde. Les effets radio-induits, c'est-à-dire les effets des rayonnements sur la thyroïde, ne s'arrêtent pas au cancer. vous avez un tas d'autres maladies de la thyroïde qui sont radioinduites et qu'on observe en France, en particulier après des traitements par la radioactivité. Dans ces éléments-là, il y a une maladie particulière qui s'appelle une thyroïdite, qui s'appelle la maladie d'un japonais Hashimoto, et qui est très particulièrement radioinduite. Enfin, on devrait aussi la prendre en compte. Et deuxièmement, il y a tout le reste, c'est-à-dire toute la pathologie qu'on a pu observer, pas seulement autour de Tchernobyl, qu'on a pu observer aussi autour des centres des essais nucléaires, que ce soit au Kazakhstan, que ce soit dans la Nouvelle-Zélande au nord de la Russie, que ce soit en Polynésie, que ce soit dans le Nevada, et en particulier en Sibérie. Le deuxième endroit, c'est qu'il y a eu un accident nucléaire militaire dans la zone interdite de Chelyabinsk, dans laquelle il y a eu donc un accident avec une bombe qui a explosé accidentellement, et un réacteur qui s'est mis à chauffer, et les Russes ont jeté tout dans la rivière, dans le lac, dans laquelle ensuite il y a une rivière qui traverse la Sibérie. Et aujourd'hui encore, tout ce territoire est contaminé. Donc on a là des populations qui vivent depuis 30, 40 ans dans la contamination radioactive. Comme autour, si vous voulez, en Biélorussie, en Ukraine, pour Tchernobyl. Et comme dans l'état actuel que vous avez vu dans le film, la population qui n'a pas été évacuée à Fukushima. Qu'est-ce qui se passe dans ces populations? Eh bien, pas mal de choses. Dans l'immédiat, vous avez un effet qui, en général, est passé sous silence, mais qui s'est avéré très important à Fukushima, c'est les effets des mesures de protection elles-mêmes. On a décidé d'évacuer un certain nombre de zones. On a décidé de bloquer chez eux, on dit confiner, des gens dans une autre zone. Le résultat, c'est premièrement qu'une partie des gens qui étaient dans la zone qui normalement aurait dû être confinée, ont pris leur voiture et il y a eu des embouteillages énormes autour de Fukushima, ça c'est une chose, mais que deuxièmement, dans ces territoires-là, et parmi les gens qui sont partis, et je le dis parce que mes confrères, mais je peux comprendre, c'est que la moitié des médecins et des infirmiers ont foutu le camp comme les autres. Bon, ils ont fui. Eh bien, le résultat, c'est que dans la zone confinée, et en partie chez les évacués, un certain nombre de gens sont morts faute de soins. Il y a eu certifié, je ne parle que des choses certifiées et vérifiées, 533 décès de gens faute de soins. Et ceci est imputable à l'accident. Et ceci a eu lieu dans les mois qui ont suivi. Donc, voilà un des exemples. Le deuxième élément, et on le voit bien dans le film, c'est les conséquences de santé publique d'une anxiété collective. Ça n'est pas vrai que c'est soluble comme ça de façon facile. Ça représente, comme vous l'avez vu, quelque chose qui va imprégner complètement la vie. Et quand une des dames dit « on nous prend pour des lépreux », je vous rappelle que les survivants d'Hiroshima et Nagasaki, on les a pris pareil pour des lépreux, et qu'une partie d'entre eux ont fui pour cacher ce qui était une maladie honteuse, le fait d'avoir été irradié à Hiroshima et Nagasaki. Eh bien, on retrouve ce même syndrome, avec toutes ses conséquences. Et puis d'autres encore. Par exemple, autour de Tchernobyl, on a indiscutablement noté une fréquence anormale de maladies du cœur, de maladies cardiovasculaires, et dans laquelle, on peut en discuter si vous voulez, dans laquelle nous travaillons tous sur ce sujet-là. Mais bien d'autres éléments encore. C'est-à-dire que ça n'est pas se focaliser uniquement sur la survenue de leucémie et de cancer, en souvenir d'Hiroshima et Nagasaki, ne répond pas réellement à la totalité des problèmes de santé publique qui existent autour des catastrophes de ce genre. Alors, si vous voulez, si on refait la somme de ça, bien le problème central des populations de la zone de Fukushima, ceux qui sont rentrés, ceux qui voudraient rentrer, ceux qui, au contraire, se battent pour qu'on ne réoccupe pas les zones contaminées, si vous voulez, tous ces éléments-là, malheureusement, et ça n'est pas qu'une opinion, je crois, Je crois que c'est une réalité. C'est une histoire qui va durer, hélas, très longtemps. Alors, le dernier point que je voulais dire, j'espère être pas trop long, c'est, si vous voulez, quelles conséquences pour notre pays. Alors, je vais vous les donner dans l'ordre, si vous voulez. Premièrement, mais je pense que aussi les sondages particulièrement éprouvants que les autorités nucléaires ont joué un rôle, mais en tout cas, premièrement, l'autorité de sûreté nucléaire a officiellement décidé qu'un tel accident était possible en France. Et c'est un événement, puisque comme vous savez, nous avions les meilleures installations civiles et militaires du monde. Civiles, nos centrales sont sur la Terre, et militaires, les essais nucléaires français étaient toutes propres, il n'y avait pas de problème. Donc, vous le savez. Donc ça, c'est un premier élément. L'ASN dit « c'est possible ». Deuxième élément, si c'est possible, il faut s'y préparer. Mais tout de suite, elle introduit un élément qui est de dire, on va commencer par les accidents moyens. C'est-à-dire pas Tchernobyl ou Fukushima, mais les accidents moyens. Pourquoi aller loin? C'est exactement ce qui est arrivé à Saint-Laurent-des-Eaux en 66, et dans laquelle il y a eu... fonte du réacteur, issu d'un nuage radioactif, 500 liquidateurs qui ont travaillé dans le plus grand secret. La deuxième idée donc de l'ASN, c'est de dire on ne travaillera plus dans le secret. Donc on va prévenir les populations. Et donc, il y a un nouveau plan qui est né, il s'appelle le PPI, le plan particulier d'intervention, et dans lequel on rentre, si vous voulez, dans cette deuxième logique. Et troisième élément, qui est un élément qui va vous paraître... trivial, mais qui est en réalité fondamental, parce que ça fait 30 ans qu'on se bat pour l'obtenir, l'ASN et l'IRSN, c'est-à-dire les chercheurs, disent on ne pourra rien faire si on n'a pas la population avec nous. Ça, c'est tout de même une révolution. Hein. Brusquement, on s'aperçoit que rien n'est possible s'il n'y a pas effectivement une participation directe de l'ensemble de la population. Alors, ça, c'est les principes. Alors après, il y a eu des problèmes. Premier problème, les premiers plans qui étaient sortis prévoyaient un tas de choses, mais par exemple, ne disaient rien à propos des médecins. Or, l'exemple de Fukushima démontre qu'il y a quelque chose à faire, y compris pour des gens qui ne sont pas atteints de la radioactivité, mais qui se trouvent dans ce mécanisme-là. Donc, ça y est, dans les dernières versions, les médecins... en particulier généraliste, aurait apparu. Encore peu, c'est encore en pratique. Deuxième élément, on commence à dire, mais ça ne serait pas mauvais d'éduquer la population. Oui, mais comment on fait? Alors, c'est simple, il y a un truc qui s'appelle les CLI, c'est-à-dire des centres d'information autour des centrales. Oui, mais elles sont colonisées par les exploitants, et ce qu'on y raconte, c'est que c'est assez souvent, je vais être honnête, ils ont quelques inexactitudes. Est-ce qu'on me dirait? Donc ça ne marche pas. Donc il va falloir inventer un moyen avant que l'accident ait lieu pour communiquer avec la population. Alors on en est là. Donc si vous voulez, voilà les premiers effets qui ont été faits en ce qui concerne notre pays. Donc affaire à suivre. En tout cas, pour nous, pour notre part, nous on pense que dans cette démarche-là, encore un pas de plus devrait être fait. Un premier pas qui serait de dire... Si c'est si important que ça pour la population, eh bien, travaillons ensemble pour essayer de mettre en place une information qui soit la moins péremptoire et la plus vérifiable possible. Ça prendra tant que ça prendra, mais ça vaut tout le même la peine. Et puis, il y a une deuxième proposition, qui est de dire, puisque vous êtes d'accord pour dire qu'un accident nucléaire est probable, donc quasi inéluctable. Pourquoi ne pas prendre la voie de la prévention? Et pourquoi pas, dès maintenant, arrêter l'origine même qui sont ces différentes centrales? Pareil pour les armes nucléaires. Puisque les armes nucléaires sont devenues obsolètes, puisque finalement, dans le rapport de force immédiat, ça n'est pas un élément important, et surtout que les installations militaires ont énormément vieilli. Eh bien, pourquoi ne pas progressivement se débarrasser complètement des armes nucléaires? C'est la deuxième proposition que nous faisons, mais je crois que celle-là va demander beaucoup de temps pour pouvoir être réalisée. Je vous remercie. La question qui est, est-ce qu'il est possible de stabiliser en fait l'évolution des nodules pour les personnes qui ont des nodules? J'ai entendu parler par exemple de la pectine de pomme qui est. Bon, c'est ça après, je ne sais pas, mais est-ce qu'il est possible de stabiliser l'évolution de. Alors, si vous voulez, pratiquement, dans le cas, alors, deux questions différentes. Pendant sur les nodules proprement dit, qui apparaissent, si vous voulez, spontanément, mais assez souvent après la puberté. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'efloraison, si vous voulez, à ce moment-là, pour des raisons de bouleversement hormonal. En principe, spontanément, l'évolution est stable. Que ce soit les nodulaires, et même dans une certaine mesure, les nodules uniques. Et donc, la règle. Alors, il fut un temps où on les opérait tous, c'était délirant. Bon. Mais par contre, maintenant, la règle, c'est qu'on surveille, et dans la majorité des cas, ça reste stable. Le vrai problème, c'est que comme ces nodules croissent, si vous voulez, sont totalement inapparents, puisque les gens ne sont pas malades, eh bien, l'immense majorité d'entre eux ne sont pas détectés. En général, c'est soit pour une autre raison, soit, si vous voulez, de façon. Bon, et là, il y a un collègue japonais, je vous donnerai le nom, si vous voulez, qui a fait un travail il y a une dizaine d'années, donc bien avant Fukushima, en faisant l'examen des thyroïdes des gens décédés, quels qu'ils soient. Ben, il en a trouvé près de 30%. C'était des gens qui avaient vécu toute leur vie avec leur nodule. Donc, du point de vue thyroïdien proprement dit, l'idée, c'est de les surveiller sans tomber dans l'obsession, mais de surveiller parce qu'effectivement, en sens inverse, il ne faut pas dire que c'est rien. Vous en avez un certain nombre d'autres qui terminent en cancer. Alors, l'histoire de la pomme et de la pectine, c'est sur autre chose. C'est venu de mon ami Bondachevski, c'est-à-dire sur la question. Il s'est posé une question en disant, bon, il a pris très au sérieux le rôle du césium, puisque c'est ce qui se comprend tout à fait. Et donc, il a essayé de chercher, de trouver un moyen pour diminuer la quantité de césium dans le sang, tel qu'il est mesuré, etc. Et il s'est aperçu, ce qui est vrai, vérifié si vous voulez, c'est qu'il y a on appelle ça un chélateur, mais son mot, c'est une substance qui va fixer dans l'organisme le césium et le sortir dehors. Cette pectine, c'est dans la peau des pommes. Et il a de la pectine. Et donc, il a eu l'idée, qui est une très bonne idée, eh bien, d'essayer de forcer l'alimentation en pomme, mais c'est pour le césium. Alors, le problème, simplement, c'est très bien. L'autre idée, c'est ce que font l'association des enfants de Hiroshima, c'est d'essayer de faire que ces enfants, bon, ils sont habités en France, par exemple, aient un laps de temps dans lequel ça sort naturellement du corps. Puisque le séjour de tous les produits radioactifs dans le corps n'est pas éternel. Forcément, ça ressort, plus ou moins vite, mais ça ressort. C'est pas seulement pour des raisons physiques, mais pour des raisons biologiques. C'est-à-dire que vous avez introduit une substance étrangère, elle va séjourner un certain temps dans un certain nombre d'organes, puis elle va s'en aller. Et elle se fixe aussi. Oui, elle bon. se fixe aussi pour certains Alors, le problème des fixations, c'est une bonne question. Parce que, si vous voulez, il y avait deux substances particulière dans laquelle les fixations de très long terme existaient. Le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le strontium. Pourquoi? Parce qu'il ressemble au calcium. Et l'os, donc, récupère ce strontium et l'incorpore. Et pendant un temps, on a pensé que c'était pour toute la vie. Mais on a vu depuis que, en réalité, mais au bout d'un temps, en dizaines d'années, hein, ce strontium finit par s'éliminer. Donc, en dehors de sa sortie physique. Mais le deuxième élément qui était très important, c'est qu'on pensait que le plutonium, lui, restait de façon définitive. Et c'est à l'occasion d'un de la guerre de la guerre d'Irak, sa première, si vous voulez, c'est-à-dire les gens qui ont inhalé du radium appauvri, qu'on s'est aperçu qu'en réalité, oui, ça traverse le poumon, oui, ça peut rester fixé dans les ganglions du poumon, mais qu'au bout d'un certain temps, il y a une inhalation urinaire. Et pourquoi on s'en a aperçu? C'est que ça a touché surtout les soldats américains, vous savez, c'est les Américains qui se bombardent eux-mêmes. Et donc, parmi ces soldats américains, on a trouvé de l'uranium dans les urines. Alors, on s'est retourné vers les travailleurs du nucléaire et on a trouvé aussi du plutonium dans les urines. Donc, on sait que ça sort. Donc, oui, il y a des fixations très longues, il y a des transits très rapides. Par exemple, le technétium, c'est quelques heures. Et puis, il y en a d'autres où ça se compte en années, etc. Vous avez tout à fait raison. Oui, je voudrais faire une remarque. J'étais dans les zones contaminées de Tchernobyl, très contaminées, hein, Vietcong, Vesipkov, en 1989-90. Et nous avons discuté avec le médecin. Eh bien, les tests de la thyroïde étaient faits. Et les enfants avaient... Alors, à Vietcong, c'était 50% de kystes. Enfin, ils appelaient ça des kystes, hein, ou des nodules. Et à Novozupkov, qui était encore plus contaminé, c'était plus élevé. Donc, en fait, ce sont des mesures qui ont été faites de façon systématique sur les enfants des régions contaminées de Tchernobyl. Absolument. Alors, moi, je ne connais pas bien cette région-là, mais par contre... plus de ce qui s'est passé en Biélorussie à Gomel. Gomel est à 100 km hein, de Tchernobyl, c'est pas porte à côté. Et dans laquelle, si vous voulez, là, c'est là où, si vous voulez, on a vu cette efflorescence à la fois de nodules et ensuite de cancer, surtout chez l'enfant. C'est très juste. Le problème, simplement, c'est que contrairement à ce qui est en train de se faire au Japon, moi, mon ami, sous la pression de la population, mais ça, c'est une opinion, en tout cas, ce qu'on va faire au Japon, qui est, avant même que le phénomène soit, si vous voulez, visible, on fait les examens et donc on fait ce qu'on appelle des groupes à risque, mais c'est vrai que cette démarche n'a pas vraiment eu lieu dans l'ex-Union soviétique. Qu'elle est apparue plus tardivement. Mais néanmoins, les examens avaient été faits, vous avez raison, et donc la critique de mon collègue japonais n'est pas tout à fait exacte. Parce qu'effectivement, dans l'ensemble de régions, on a systématiquement regardé les thyroïdes, vous avez tout à fait raison, mais néanmoins, si vous voulez, ça n'a pas ce caractère aussi systématique, me semble-t-il, que ce qui existe maintenant. Vous avez moins de sonomètres de haute précision qui sont nécessaires pour rendre compte des pistes. Oui, alors, bon, si vous voulez, après, le problème des petits pistes et des grands pistes, disons un mot là-dessus, si vous voulez. Pendant un temps, avec les moyens de détection qu'on avait, on détectait, si vous voulez, les nodules en question, à partir de 5000 mètres de diamètre. Et donc, si vous voulez, voilà. Puis ensuite, en effet, vous avez raison, on peut maintenant, avec des examens plus sophistiqués, descendre à 1 mm. Et on s'est aperçu, ce qu'on ne savait pas avant, qu'en réalité, à côté de ce qu'on avait déjà... des nodules uniques, multiples, enfin tout ce que je vous ai dit, eh bien, il existe une situation dans laquelle il y en a des tout petits et souvent en nombre beaucoup plus élevé. Et dans laquelle, si vous voulez, cette pathologie, les gens ne sont pas malades. Cette existence-là, si vous voulez, est actuellement, si vous voulez, en train d'être longuement étudiée pour voir ce que ça donne. Une probabilité, je dis bien une probabilité, c'est que ces éléments-là, si vous voulez, finissent par donner, les petits nodules, si vous voulez, en nodules de l'ordre de 5 à 10 mm de diamètre. On n'en a pas encore la preuve, mais c'est un petit peu ça qu'il y a derrière l'idée. L'intérêt, malgré tout, c'est que on les classe dans les groupes à risque. C'est-à-dire que vous avez vu la classification qui est faite au Japon, c'est bien. C'est-à-dire A1, A2, c'est très bien, parce que ça permet... Le problème, c'est que c'est angoissant pour les gens. Mais au niveau d'un épidémiologiste, c'est fondamental pour faire des groupes. Vous voyez, pour surveiller, c'est exactement comme on fait pour les maladies du cœur avec les fumeurs. Ceux qui ne fument pas, qui fument 5 cigarettes, qui fument 10 cigarettes, un paquet, deux paquets, trois paquets. Ben bon. Et bien là, vous voyez ce que je veux dire? Ça permet de regrouper des groupes dont l'intérêt est de surveiller davantage, vous voyez, ceux qui vont être... c'est ça l'intérêt. Et à mon avis, ça devrait être vrai pour toutes les maladies radioinduites, dans laquelle, c'est d'ailleurs, on peut en parler si vous voulez, dans laquelle cette idée de placer des gens groupe à risque serait fondamentale. Ça permettrait, si vous voulez, d'avoir, comme dans d'autres situations, un suivi particulier et la possibilité d'intervenir de façon précoce. Donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Mais vous avez raison, en effet, ces micro, enfin micro, c'est pas, un millimètre, c'est pas rien tout de même, bon, ces petits, si vous voulez, nodules, sont effectivement infiniment plus détectés maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. C'est tout à fait juste. Il y a une chose que vous avez dite qui est finalement, puisque l'accident est considéré comme inéluctable en France, comment faire finalement pour l'éviter, puisque là par exemple avec 55 cas de cancer chez les enfants, 70-80% de guérison, ça veut dire 20-30% de décès, donc il y a déjà un certain nombre de ces enfants, je ne suis pas très fortiche en maths, mais il y a à peu près au moins 10 enfants qui sont condamnés à mort, et puis la vie quotidienne qui est complètement habitée par bon, après ça, l'angoisse, si vous voulez, enfin c'est plus que de l'angoisse, parce que ça se traduit dans des actes. Mesurer la nourriture, jouer ou pas à certains endroits, etc. C'est la vie quotidienne qui est imprégnée non seulement de la radioactivité, mais de l'idée de la radioactivité. On n'a pas envie de ça en France. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ça m'inquiète un peu quand je vous entends parler de voilà, on va faire des études épidémiologiques. Non, non, on n'a pas envie d'être des cobayes, ni des cobayes pour la radioactivité, ni des cobayes pour autre chose. Donc, je suis un peu inquiète quoi, de vous entendre parler comme ça, de façon très entomologiste de nous, de notre futur. Quand l'ASN dit l'accident est possible, voire inéluctable en France, eh ben, c'est l'ASN qui contrôle les centrales, c'est l'ASN qui veut dire, par exemple, Fessenheim, elle aurait pu le dire il y a déjà 2 ans, on la ferme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Fessenheim est en panne, il y a un des réacteurs qui est en maintenance, mais l'autre, il est en panne pour surconsommation d'eau. Et en même temps, il y a les députés qui sont en train de voter la prolongation de Fessenheim au-delà de 40 ans, puisque la loi sur la transition énergétique qui a été votée le 14 octobre prévoit la prolongation des centrales au-delà de 40 ans, c'est-à-dire 15 ans au-delà de la durée prévue à l'origine. J'ai rencontré la personne qui a mis en place le système de maintenance à Fessenheim. Et il m'a dit, quand nous les avons construites, c'était pour 25 ans. Et il y a une preuve architecturale de ce qu'il m'a dit est vrai, c'est que les architectes du parc nucléaire ont choisi le béton brut, qu'ils n'ont pas mis hors d'eau, c'est-à-dire à l'abri de l'eau par un toit étanche, pour les bâtiments qui abritent les réacteurs, la cuve des réacteurs. Donc voilà, moi je pensais que ce soir on allait plus parler aussi de... Oui, alors justement, je comprends tout à fait. Attends, et je voudrais juste ajouter que si vous voulez agir, j'ai sur le site internet Santé publique édition, les petits papiers sont là, vous pouvez envoyer en quelques clics des mails à tous les sénateurs, à tous les députés, puisque bon, je sais qu'il y a d'autres actions qui sont faites au rond-point. Moi, je trouve ça un peu bizarre d'aller parler aux automobilistes dans les ronds-points. Ce que nous devons convaincre, c'est quelques poignées de personnes qui sont assises dans des assemblées et que nous avons, pour certains, élus directement. Oui. Si vous voulez, pour dire un mot, il y a une partie, pas très claire, je suis médecin, biophysicien, médecin nucléaire, et j'ai enseigné la radioprotection pendant 30 ans à l'Université de Paris 6, et j'étais responsable d'un laboratoire universitaire de radiobiologie. Donc, on m'a demandé de mettre l'accent et de parler essentiellement de la santé. Ça n'exclut pas tous les problèmes que vous soulevez, vous avez tout à fait raison, mais on m'a parlé de ça. Et en parlant de ça, si on revient sur notre pays, le problème, ce n'est pas d'être inquiet sur ce futur, c'est que de toutes les façons, il y a en France 1024 déchetteries nucléaires. De toutes les façons, elles resteront là. Et de toutes les façons, elles fuient. Et de toutes les façons, il y a une contamination radioactive dans ce pays. Donc, je suis tout à fait d'accord et je milite pour l'idée que la meilleure des préventions, c'est de fermer les centrales les plus, alors commençant par les plus anciennes, mais là, il y a un fait de santé publique qui, quoi qu'il arrive, on doit prendre en compte et qui est complètement, si vous voulez, en dehors de Si on ferme Fukushima, ça n'empêchera pas le truc de la Hague de continuer à fuir. Ça n'empêchera pas Tricastin d'en renvoyer la radioactivité dans la nature. Et ça n'empêchera pas le centre de Valduc, qui est le centre nucléaire militaire de Valduc, de continuer à cracher des millions de becquerels de tritium. Donc c'est de cette réalité-là qu'on m'a demandé de parler. Alors après, le rôle de l'affectivité et tout, je crois qu'elle est fondamentale, mais je pense aussi qu'à côté de l'affectivité, de se sentir concerné, qui est tout à fait crucial, et si vous croyez que je ne me sens pas concerné, je crois que ce n'est pas exact, mais je crois aussi que quand on veut dialoguer, parler entre chaque citoyen, où chacun d'entre nous a un cerveau, chacun est capable de réfléchir, chacun est capable de vérifier, chacun est capable d'aller voir de près de quoi il s'agit, je pense que ça n'est pas mauvais pour effectivement faire comprendre et avancer dans ce domaine, d'essayer de poser des choses sur une base scientifique, disons rationnelle. Et voilà, c'était le sens de mon intervention. Ça n'enlève pas le fait qu'effectivement, ces problèmes que vous soulevez, qui vous sont tous communs, existent. Ça va de soi. Je vais simplement poser une question concernant la contamination par le césium. Oui. La contamination par l'iode est relativement facile à comprendre, puisque la durée de vie est très courte, donc il disparaît. Donc, en revanche, pour le césium, qui a une demi-vie de 35 ans, je crois, donc, il y a un certain nombre d'inquiétudes qui se sont fait jour dès le départ. Hein. On fait un lien entre le césium et les leucémies. Est-ce qu'on a pu avancer sur ce plan-là? Alors, si vous voulez, juste un élément. Si vous voulez, chacun des produits, des produits radioactifs, a une capacité en soi, c'est-à-dire, si vous voulez, physique, de peu à peu disparaître, puisque la radioactivité, c'est la désintégration, donc la diminution. Les rythmes sont différents, ça va depuis quelques secondes à centaines ou des millions d'années. Donc, c'est vrai. Mais à côté de cela, quand ça pénètre dans un corps vivant, et en particulier dans le corps humain, il y a une deuxième loi importante, qui est que notre corps est ainsi fait que quand il reçoit un élément étranger, son travail, c'est de l'éliminer. Et donc, vous avez un deuxième problème qu'on appelle, si vous voulez, la période biologique, qui est le temps de séjour dans un être humain. Et si on prend l'exemple du césium en particulier, Dieu merci, j'allais dire, le temps de séjour du césium dans le corps humain est infiniment plus court que ce que vous dites. Pourquoi c'est un problème autour de régions comme celle de Biélorussie ou d'Ukraine? C'est parce que c'est une contamination chronique. C'est-à-dire que les gens qui vivent sur place continuent à réingérer tous les jours du césium. Et la preuve que c'est bien ça, c'est que quand les enfants viennent ici en France pour un séjour de vacances, quand on mesure ce qui se passe quand ils sont arrivés et le moment où ils sont partis, eh ben, il y a une différence considérable. C'est-à-dire qu'autrement dit, ça ne reste pas. Alors ça, c'est le premier élément. Alors, deuxième idée, c'est finalement, ce césium, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose qui ressemble à un élément naturel qu'on appelle le potassium. Et le potassium, nous en avons dans notre corps, et c'est très important, puisque ça permet de faire fonctionner les muscles, mais aussi le cœur. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez une entrée du césium dans les cellules, comme le potassium, mais le même potassium est aussi éliminé. Et donc, vous avez une sortie des cellules. Et donc, vous avez de ce point de vue-là un échange avec des organes qui ont, si vous voulez, qui sont très branchés sur la circulation sanguine. C'est-à-dire essentiellement le foie, la rate, mais aussi le cœur et éventuellement les reins. Alors, à partir de ça, l'idée qui avait été développée, c'était de dire, mais finalement, autour de Tchernobyl, on a vu vraiment une augmentation indiscutable des maladies cardiovasculaires. On sait qu'ils sont des contaminés chroniques. Et donc, L'idée, c'est de dire, ben, ça doit être le césium. Ça tombe bien, puisque le césium, c'est comme le potassium, ça ressemble, donc, etc. Et donc, on s'est dit, ben, voilà, c'est parce que le cœur emmagasine une grande quantité de césium qu'il y a ces maladies-là. Bon, ben, le problème, quelles sont les questions que ça pose? Premièrement, si c'était bien ça, la maladie cardiaque qui devrait dominer, bon, le terme, c'est cardiomyopathie, c'est une maladie, en clair, une maladie du muscle du cœur. Si c'est le muscle qui les attire, c'est là que ça devrait se passer. Or, dans l'ensemble des études faites par mes amis en Biélorussie ou même en Russie, il n'y a pas, si vous voulez, d'augmentation significative des atteintes des cardiomyopathies, des atteintes du muscle. Par contre, ces maladies, elles, sont très largement liées à l'atteinte des vaisseaux. Vous savez, les petites artères qu'on a dans le cœur, qu'on appelle les coronaires, et dans laquelle, quand ça se bouche, ça donne l'infarctus du myocarde et d'autres trucs. C'est dans les vaisseaux. Et donc, à partir de cette idée-là, bon, dans le laboratoire, on a essayé de travailler pour essayer de comprendre quel rapport il y aurait. Alors, ça n'est qu'un travail expérimental, il ne faut pas en tirer, là aussi, il ne faut pas dépasser ce que c'est, mais nous, il nous semble que un des éléments importants pour ce césium qui circule beaucoup, c'est qu'il émet aussi d'autres particules qui s'appellent des radicaux libres. Les radicaux libres, dans les propagandes, nous expliquent que si on les enlève, on va rajeunir de la peau, vous savez, dans les trucs. Mais ces radicaux libres sont très très actifs, en particulier ils attaquent énormément, si vous voulez, ils ont un effet oxygène très actif, et ils attaquent les parois des vaisseaux. Et donc, attention, c'est un travail expérimental qu'on a fait sur des animaux et qui montre qu'en effet, il y a une augmentation d'infiltration des radicaux libres et en effet des conséquences au niveau des artères. Mais attention, ça n'est que ça. Mais néanmoins, ça n'est pas invraisemblable de penser que dans le cas particulier, c'est plus dans le caractère circulant du césium qu'il faut rechercher une toxicité, plutôt que dans sa fixation. Alors, dernier élément, je suis tout à fait d'accord pour qu'on travaille pour essayer de neutraliser ce césium. Je pense qu'il est bien plus important de se préoccuper des autres radionucléides. Vous parliez tout à l'heure de l'iode qui a une durée de vie relativement courte, c'est-à-dire l'iode 131 qui fait 8 jours. Est-ce que vous savez qu'il y a quantité d'autres iodes radioactifs dont la période est plusieurs mois, voire presque une année? Il n'y a pas que l'isotope qui fait 8 jours. Donc, pour ne pas s'obnubiler, il y en a plusieurs. Il y a d'autres éléments. Bon, je ne veux pas les réciter, ce n'est pas la peine de faire de la pédanterie. Mais vous avez bien d'autres éléments toxiques qui sont dans le cocktail. Et donc, le vrai problème, le vrai challenge pour la santé publique, c'est qu'est-ce qu'on fait pour traiter un cocktail de produits radioactifs. Vous voyez, c'est un élément différent. Et donc, ma discipline, qui est la radiobiologie, essaie d'essayer de démêler, si vous voulez, ces chevaux et d'essayer d'avoir une attitude différenciée, qui n'est pas la même quand c'est du strontium, quand c'est du césium, quand c'est du plutonium ou quand c'est du cérium, peu importe les noms. Donc c'est ça un petit peu, si vous voulez, qui est actuellement l'élément important. Alors je voudrais juste ajouter un dernier élément sur la radiobiologie. Tout ça est vrai, à condition de comprendre qu'une fois que, si vous voulez, il y a eu des dommages de cette radioactivité dans les cellules, ou les noyaux de cellules, eh bien, la suite, c'est quoi? Eh bien, le problème, c'est que la suite, elle n'est plus dans le domaine de la physique, de la radioactivité, etc. Elle est intégralement dans les phénomènes purement vivants, purement biologiques. C'est ce que la commission de l'ONU appelle des événements non ciblés. Et c'est ce qui explique que les cancers qui sont apparus après Hiroshima et Nagasaki et dans d'autres endroits sont apparus 20-30 ans après. Il y a un trou entre les deux. C'est qu'entre les deux, si vous voulez, le phénomène qui est avancé est uniquement biologique. Et donc va dépendre complètement des lois, si vous voulez, de l'étude humaine, enfin pour les humains, ou pour les plantes, ou pour les animaux, au niveau biologique. Et donc, on sait maintenant que ce qu'on appelle l'instabilité génomique, c'est-à-dire quelque chose qui va se transmettre, si vous voulez, dans les générations de cellules, et deuxièmement, les effets de multiplication, qui sont les effets de proximité, sont les deux mécanismes qui expliquent, rendent compte, la distance entre les deux. Et c'est pour ça que, si vous voulez, pour terminer, c'est important de se fixer sur les produits radioactifs, parce que c'est le point de départ. Mais vous voyez qu'après, il y a tout un chapitre qui est que les êtres vivants, ce n'est pas des pierres et ce n'est pas des bouts de bois. Ça bouge, ça vit, et ça, c'est une loi particulière. Alors, pour reprendre, revenir au film, pourquoi on a laissé de côté, pourquoi, si vous voulez, cette question des adolescents apparaît comme ça par rapport aux enfants? Eh bien, justement, parce qu'une des lois de notre nature, c'est qu'il y a un moment important dans notre vie qui s'appelle la puberté, et dans laquelle vous avez une effloraison, un changement hormonal considérable, et qui va jouer, y compris sur ceux qui ont eu comme stigmate une contamination radioactive. Je vais prendre ici un exemple simple, qui est la question de la maladie la plus radio-induite qui soit, qui est le cancer du sein. Le cancer du sein, si on prend les statistiques de Hiroshima, si on prend aussi ce qui s'est fait en Sibérie et ailleurs, on s'aperçoit que le moment le plus important, qui est le plus toxique de la contamination radioactive, c'est chez les fillettes, et en général autour de 6 ans, mais le moment où ces cancers se sont mis à apparaître, c'est chez les jeunes filles, à partir de 18-20 ans. Vous voyez, donc il y a un décalage entre le moment où le processus s'est mis en route, la contamination radioactive, et le moment où on voit apparaître, avec une prédominance nette, si vous voulez, chez les sujets jeunes. Donc, vous voyez ce décalage-là. Et bien, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Et bien, entre les deux, il y a la puberté. Et ensuite, ben, il y a les différents événements, si vous voulez, dans la vie féminine, qui jouent un rôle. Et donc, pour terminer, en France, si vous voulez, bien sûr qu'il y a des cancers chez les sujets jeunes, hélas. Mais disons qu'en moyenne, les plus fréquents se situent au-delà de 40 ans, 40-50 ans, voire plus. J'ai été en Algérie, à une étude, dans laquelle en Algérie, le pic n'est pas 40-50 ans, il est 20-30 ans. En Algérie. Et donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui intervient et qui est en dehors des lois de la physique et qui correspond au fait que j'ai essayé de dire à mes étudiants sans succès d'ailleurs pendant 30 ans que les êtres humains, ils ont leur loi propre, que c'est important de comprendre les phénomènes généraux, mais que dans l'ensemble, quand on arrive à un être vivant, il y a là des conditions particulières qui fait qu'il faut parfois enlever ces lunettes opaques de la vision générale pour s'intéresser à quelque chose qui, pour moi, est primordial, qui est les êtres humains eux-mêmes. Docteur. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre débat ce soir. Nous apprécions vraiment beaucoup. Une petite question très rapide. Les derniers chiffres de l'étude épidémiologique l'hôpital de l'université de Fukushima, je pense que c'était fin août, c'était élevé à 107 ou 104 cancers. Combien ? Non, ce n'est pas les cancers. Les c'est cancer suspect ou définitif. Voilà. Voilà. Et donc sur cette population de 300 000. Et bon, je pense que là, j'ai étudié aussi un petit peu les chiffres, je vois que ça continue à grandir, qu'à chaque fois ils disent il y a tel cas, un tel nombre de cas qui est suspect et un tel nombre de cas qui est confirmé. Et que c'est en fait que ces nombres, que ces chiffres 3 mois plus tard, ces chiffres qui étaient suspectés sont en fait définitifs et ça continue à grandir. Moi, c'est ce que je vois de tous les 3 mois, quand les chiffres sont publiés. Et donc moi, je voulais savoir. Je sais que durant le tremblement de terre et même un mois après, la population japonaise, surtout celle qui était située sur Fukushima, n'ont pas eu le droit d'avoir des pastilles d'iode radioactive, alors que nous, à l'ambassade française, ils nous les ont données, ils nous ont même distribuées, et mes amis de Fukushima n'en avaient pas. Et donc je voulais savoir, est-ce que pour la prochaine catastrophe, je ne sais pas où est-ce que ça va se passer, mais est-ce que c'est vraiment utile de prendre ces pastilles d'iode? Vaste question. Bon, j'ai essayé d'être pour tous les types. Pour mon point de départ, c'est parti d'une idée géniale. L'un de mes collègues, il y a 40 ans, disait finalement, quelle est la fonction première de la thyroïde? C'est de capter de l'iode. Et c'est important pour notre vie qu'elle capte de l'iode. Bon. Eh bien, si on sature la thyroïde avec de l'iode froid, et bien quand va arriver l'iode radioactif, elle va pouvoir le prendre puisqu'elle est en train de digérer la quantité qu'on lui a donnée. Raisonnement merveilleux, formidable, etc. À ce moment-là, les gens disent, comme c'est bien, on va distribuer des tablettes de iodure de potassium et donc, quand il y a un accident, ça va se faire. Sur le papier, c'est parfait. Alors après, le problème de la distribution, c'est terrible, parce que les pastilles en question, elles ont une durée de vie de 5-6 ans, donc il faut les changer, il faut aller les chercher. Les gens qui vont les chercher, ben, c'est des gens qui ont le temps. Donc par exemple, à Brest, pour récupérer les pastilles d'iode, on voit que des retraités, et pas du tout des gens dont les adolescents, les jeunes qui en auraient besoin. Bon, mais admettons, c'est saignant. Bon. Et puis, les gens ont travaillé. Puis, il y a un de mes élèves qui a beaucoup travaillé sur cette question. Il faut être honnête, ce mécanisme-là marche si on le prend avant la contamination radioactive. Ça veut dire qu'au moment où l'accident a eu lieu, on a, en gros, si vous voulez, et c'est une étude qui est parue chez mes collègues, c'est qu'il y a entre, maximum 48 heures où ça peut encore faire un petit quelque chose. Et après, ça sert à rien. Donc, autrement dit, la distribution de pastilles d'iode, en particulier quand elle est décidée, pour prendre le dernier exemple, c'est en Belgique, où il y a eu un nuage radioactif, et on a distribué, qui a eu lieu le samedi, on a distribué les pastilles le lundi. Trop tard. Donc, c'est avant. Bon. Donc, si c'est avant, les gens disent, c'est de bon sens. Mais enfin, comment on peut savoir avant qu'il y ait une catastrophe et distribuer les pastilles? En réalité, si on prend les accidents moyens, c'est-à-dire simplement l'effraction, par exemple dans une centrale à réacteur qui va lâcher un panache, si vous voulez, d'iode, enfin de produits radioactifs, en réalité, entre le moment où ça commence à chauffer dans la centrale et le moment où le nuage sort, il peut se passer quelques heures, 6 heures, jusqu'à 24 heures. Donc, l'ASN en a-t-il l'idée de dire, bon, on va demander aux centrales d'annoncer qu'il va y avoir quelque chose pour qu'on puisse distribuer les pastilles. Bon. Pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. Dernier élément, c'est pas anodin l'iode, c'est pas anodin les pastilles d'iode. D'abord, il y a des gens qui sont allergiques à l'iode. Je vous signale qu'il y a des allergies qui sont mortelles. Et deuxièmement, si vous voulez, ça n'est pas si simple que ça, et d'autre part, si la panique s'y met, c'est catastrophique. Par exemple, dans un test qui a eu lieu en France, les gens ont cru que ce n'était vraiment pas un test, mais une réalité. Et une mère de famille, pour mieux protéger ses enfants, ce n'est pas un comprimé qu'elle a pris au gosse. C'est toute la boîte. Et bien, je veux dire, mais ce n'est pas un cas isolé. Donc, vous voyez, c'est compliqué ce truc. Et alors, on en fait tout un truc, et à tel point que c'est devenu une espèce de truc magique. On a l'impression que si on a bouffé la pastille d'iode, ça y est, on est protégé. Alors, je voudrais signaler qu'en principe, si vous voulez, quand vous allez en Bretagne manger des crustacés, vous saturez votre thyroïde d'iode à tous les coups, il n'y a pas de problème. Et donc, si vous voulez, c'est pas... c'est une idée qui était géniale pour les enfants, surtout de la première, deuxième enfance, et un peu les adolescents, qui sur le papier est formidable, qui suppose une organisation extraordinaire, et dans laquelle on n'arrive pas à s'en dépatouiller. Alors, pour terminer en France, un coup, on a mis les pastilles chez les gens, un coup, on dit non, on va les mettre chez le pharmacien. Troisièmement, on dit, mais chez le pharmacien, qui c'est qui va les distribuer? On a dit sûrement pas les médecins. Alors, quatrièmement, on a dit, on va les remettre chez les gens, mais bon, c'est une bouteille à l'homme terrible. Alors, en effet, si c'était bien comme sur le papier, Si, comme le dit le PPI, le plan d'intervention, qui est l'obligation pour l'exploitant, quand ça commence à chauffer, de l'annoncer avant que ça ait lieu, bon, je vois que je suis soutenu par la table, dans ce cas-là, en effet, ça pourrait être efficace. Alors, si on revient sur Fukushima, je peux vous dire que sur le terrain, ça a été terrible. Il y a une des villes, je ne me rappelle plus laquelle, où le maire a décidé, lui, de distribuer les pastilles. Et il a eu raison, parce que comme le panache avançait, il était à peu près dans les temps. Mais il a eu une sanction administrative, parce qu'il n'était pas autorisé à distribuer les pastilles. Et en sens inverse, dans d'autres préfectures, si vous voulez, là on a parlé, celle près de la préfecture de Fukushima, dans laquelle, si vous voulez, on aurait pu être dans les délais, on a interdit de distribuer les pastilles. Donc vous voyez que c'est un machin très compliqué. Et moi je pense que de ce point de vue-là, ça mériterait d'être revu très sérieusement. Mais ça travaille beaucoup les gens. Et puis avec cette idée, et voilà où est la fausse idée, voilà où on raconte des trucs. C'est pas parce qu'on a bouffé une pastille de lutte de potassium qu'on est protégé de la radioactivité, il faut bien se mettre ça dans la tête. Et en particulier, donner ça à des adultes ou à des gens comme moi qui sont plus qu'adultes, mais c'est du temps perdu. Ça ne sert à rien. Dans ma théorie, ça fait longtemps qu'elle a 20 diodes. Donc c'est pas la peine d'en rajouter. Donc vous voyez, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, je m'excuse de sortir un peu de cet aspect plutôt de médecine. Pour entrer dans l'aspect que la dame a dit là, qu'est-ce qu'on fait étant donné qu'un accident est possible, etc. Moi, je suis brésilien et j'ai eu la chance de venir d'aller à Fukushima le mois dernier. C'est des conditions que je n'attendais pas. J'ai passé là une bonne dizaine de jours et j'y suis revenu très impressionné. Tout ce qui apparaît dans les films, j'ai bien vu là. Et j'ai vu d'autres films après, comme celui qu'on a vu l'autre jour, là, où apparaît un monsieur, un fonctionnaire, qui dit « Ne vous inquiétez pas, si vous souriez, vous n'êtes pas irradié. » Et il a dit en plus « Ne vous inquiétez pas, parce qu'on a fait l'expérience avec des animaux. » Voilà, qu'on sourit toujours. Mais en tout cas, moi, personnellement, je suis très engagé depuis beaucoup de temps dans un processus que, éventuellement, vous connaissez, du Forum Social Mondial. D'ailleurs, on s'est connu, on s'est connu au dernier à Tunis, et maintenant, il y aura un autre à Tunis, encore au mois de mars. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à Fukushima, j'ai eu la chance d'avoir pas mal de contrats, donc avec un certain nombre d'organisations qui essayent là, de lutter pour sortir du nucléaire là aussi. Nous, au Brésil, nous essayons aussi d'être très loin parce que les gens sont absolument sans information, de rien, mensonge et tout ça. En tout cas, ce qui est sorti comme idée pendant mon séjour à Fukushima, c'est d'éventuellement organiser un forum social thématique mondial sur l'énergie nucléaire. Au Japon, ou ça, à Fukushima, et avec une participation, disons, mondiale des gens qui, partout dans le monde, sont en train de lutter soit contre la bombe, soit contre les centrales nucléaires. Donc, je voulais simplement vous donner cette nouvelle-là. C'est un truc qu'on est en train de monter doucement. Je peux vous donner aux intéressés après une adresse où vous me donnez vos adresses. Je vous envoie après un petit papier qu'on est en train de monter. On ne sait pas quand, peut-être en 2016, une chose comme ça. Il y a deux moments qui pourraient être importants. C'est le prochain Forum social mondial à Tunis, mars 2015. On va faire déjà une assemblée de convergence de tous ceux qui seront dans ces problèmes pour monter une espèce de comité de facilitation de ce forum. Et ensuite, il y aura déjà une autre hypothèse de faire une deuxième réunion préparatoire au moment de le 6, comment on dit, L'anniversaire des Hiroshima, c'est quoi? 70. Comment est-ce qu'on dit aux Français? Comment? 70e anniversaire de 2015, effectivement. Il y aura pas mal de réunions à Hiroshima. Éventuellement, les gens qui organisent ça profiteront de l'occasion pour penser. Et faire éventuellement, pourquoi pas, mars 2016, que ça fera la cinquième année. Cinquième anniversaire de Fukushima. Donc je voulais simplement vous dire là, inviter à ceux qui seraient intéressés à ça d'entrer en contact et en rapport pour qu'on puisse vraiment mener à bien ces projets-là qui pourra éventuellement aider tous les gens dans les différents pays qui sont menacés par ça, puissent se joindre et puissent, disons, augmenter leurs forces en s'unissant. Je voudrais un peu évoquer des questions autres que ce que vous nous avez donné. Je suis très reconnaissant d'apprendre toujours des connaissances médicales très très précises comme vous nous donnez. Mais je crois que le monde ne se passe pas toujours dans ce sens très rationnel et logique. Comme si on en discute rationnellement, on arrivera à révéler la vérité. Alors, le monde n'est pas si simple que ça. Est-ce que la vérité de Tchernobyl a été bien révélée aujourd'hui? Je pense que non. Il y a des rapports qui ont été donnés par l'AIWA, l'Organisation mondiale de la santé, à l'époque de Tchernobyl, International Tchernobyl Project, où 10 ans plus tard, ce serait Tchernobyl Forum. Les dirigeants internationaux, ils ne reconnaissent pas tellement les nombres de victimes, même de cancer de thyroïde. Ils ont écrit 50 personnes parmi les liquidateurs, 50 morts parmi les liquidateurs, et puis au départ ils disaient 3000 gravement atteints au cancer de thyroïde, et après ils ont augmenté 4000 et 5000, mais officiellement c'est 6000. Oui, c'est l'OMS. Mais chaque fois ils ont modifié, petit à petit augmenté. Mais comme le rapport de Yablokov, Nestelenko, qui ont écrit un rapport très important qui a été édité par l'Académie de New York, qui disent qu'il y a presque 1 million de victimes. Donc il y a un grand écart entre ce que l'AIWA ou WHO prétend. Et donc, il y a un problème structurel de la reconnaissance des faits réels de Tchernobyl et depuis Fukushima, c'est toujours l'AIWA et Anskaya ou bien CIPR qui domine, notamment donc Monsieur Jacques Lochard, qui est le directeur de CIPN, mais devenu vice-président de la CIPR, il occupe le terrain de Fukushima avec l'AIWA, et puis il y a donc des désinformations concernant le résultat de examen, même de cancer de thyroïde ou d'autres pathologies. L'AIWA prétend qu'il surveille et contrôle sur les conséquences sanitaires. Mais l'AIWA, ce n'est pas une compétence médicale qu'ils en ont, n'est-ce pas? Donc, il y a un problème structurel de désinformation d'un autre côté, il y a un mensonge énorme de la part des scientifiques pro-nucléaires. Monsieur Yamashita, professeur qui est présenté dans ce film, il prétendait qu'il n'y a pas de effet négatif moins de 5000 civils par an. Donc, tout ça, ce genre de discours, peut-être scientifique, mais il y a tellement de controverses et des polémiques qui ne sont pas abouties du tout. D'ailleurs, tous les dirigeants des organisations internationales évacuent tous les opposants scientifiques indépendants. Voilà. Donc, je m'inquiète, au-delà de tous les problèmes de la vérité scientifique, il y a un problème structurel. Est-ce qu'on va prendre une dernière question ? C'est une question qui va dans le prolongement de ce que vous nous avez expliqué sur la permanence biologique des effets. Et en prenant en compte cette donnée, quel est le sens de fixer un seuil annuel de radioactivité? Ça n'a aucun sens dans la mesure où certaines personnes ont ce seuil une seule fois dans toute leur vie et d'autres sont exposées en permanence. Et en plus, comme on a vu à Fukushima, il varie en France de 1 millisievert par an pour les travailleurs du nucléaire. Et actuellement, à Fukushima, c'est 20 millisievert qui est considéré comme le seuil non dangereux. Alors, comment peut-on ne pas douter des scientifiques quand on a des données comme ça? Oui, ce que je voudrais simplement dire, c'est que, sur le fond, je suis d'accord, mais pareil, bon, je respecte profondément toutes les données qui expliquent que finalement, la rationalisme a été mis, mais je pense malgré tout que ça peut aider d'expliquer un peu plus, si vous voulez, les choses. Cette question des seuils, c'est une double question. Il y a une question qui a empoisonné la radiobiologie depuis 30 ans, qui est que des gens, des collègues à moi, pensaient qu'on pouvait admettre que des phénomènes apparaissaient de façon mécanique à partir d'un certain niveau. Ça, c'est un combat qui, si vous voulez, est aujourd'hui, alors il continue dans les esprits, mais dans les faits, il a disparu, si vous voulez, parce que ça n'est pas le problème. Par contre, et c'est le deuxième élément, si vous voulez, qui est le problème, c'est que les deux s'interfèrent. Le deuxième élément, c'est le problème de la radioprotection. Le problème de la radioprotection, très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de toutes les façons, on a un certain nombre de travailleurs qui sont exposés au rayonnement. Je ne parle pas seulement des travailleurs du nucléaire, mais aussi de ceux qui vont travailler, si vous voulez, dans, brusquement soumis au radon, enfin, un certain nombre de gens. Et à partir de ce moment-là, on a pris ce problème de radioprotection qui est de dire qu'est-ce que, sur le plan légal, législatif, on va pouvoir faire pour répondre au problème. Et donc l'idée est venue de dire, ben voilà, on va se fixer des seuils totalement arbitraires, complètement en dehors de toute pensée biologique, mais qui permettent de gérer le problème. Par exemple, pour les travailleurs du nucléaire, ce seuil, si vous voulez, de 20 millisieverts dans l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un travailleur dépasse ces 20 millisieverts, eh bien, alors, le côté positif, c'est qu'on le retire de la radioactivité, mais le côté négatif, qui vous le sachez, c'est que c'est un moyen aussi de le foutre à la porte. Et c'est le cas pour tous les travailleurs précaires du nucléaire, qui est ce qu'on appelle la gestion de ces films, et qui est un moyen aussi de c'est un peu compliqué. Mais l'idée de base, si vous voulez, c'est de dire, ben, on va se donner un niveau pour intervenir. Puis, on est arrivé à la population. Et à la population, ben, on a commencé à dire, ben, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'augmenter la radioprotection des populations? Et l'idée, c'est de dire, eh ben, on va se fixer une limite, qui est de dire que quand on dépasse en moyenne et au-delà de ce qui existe déjà, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Par exemple, en France, la moyenne, elle est autour de 3 millisieverts. Mais l'idée du millisievert, c'est de dire, s'il y en a un en plus, alors il va falloir qu'on prenne des mesures. Vous voyez, ça n'a rien ni de biologique, ni de... C'est purement, si vous voulez, administratif. Où est le bas blesse? C'est qu'à partir de ces données administratives, et en particulier pour revenir à Fukushima, si vous voulez, qu'on a à gérer, comme vous l'avez vu, des populations en chair et en os, si vous voulez, qui existent, était à ce moment-là, on a impacté, si vous voulez, ces normes-là avec la gestion quotidienne des choses. Et ça donne des aberrations totales. Dans le numéro de Marvu qui est en bas, s'il y en a qui le prennent, le verront, il y a une bataille qui sont menées par mes confrères au Japon pour arrêter, anéantir cette histoire de 20 millisivers. Et ils ne font pas semblant, ils se mobilisent, si vous voulez. Je n'ai pas dit qu'ils ont gagné, mais enfin, en tout cas, ils essayent de remuer l'opinion publique. C'est-à-dire que cette l'aberration, si vous voulez, c'est de prendre des mesures qui apparaissaient comme, sur législateur, comme compréhensibles, dans un machin qui n'a rien à voir, qui s'appelle la gestion des catastrophes et des post-catastrophes. Donc c'est ça qui est, à mon avis, inadmissible. Alors, à chaque fois, le débat est faussé. Les gens disent, par exemple, moi je connais bien ça dans ma discipline, pour mes étudiants, par exemple, ben, leur idée c'est de dire qu'en dessous de 20 millisieverts, il ne se passe rien. Que c'est la norme. On leur dit, mais non, c'est pas ça du tout. Cette norme a été faite pour essayer de gérer des problèmes administratifs d'organisation. Il n'interfère pas au fait qu'il y a des effets. Bon. Et donc, depuis, on a maintenant des moyens biologiques de prouver ce qu'on appelle la dosimétrie biologique, c'est-à-dire des anomalies des chromosomes qui permettent de mesurer la réalité des choses en soi. Ça n'a rien à voir avec les normes officielles. Et donc, un, vous avez totalement raison de se révolter contre cette espèce de glissement et des normes inadmissibles, d'autant plus qu'on sait pourquoi. Vous savez pourquoi, dans un centre de cité de Fukushima, c'est le maire de Date là, qui l'a redit, pourquoi on a dit que pour les enfants, ce serait 20 millisieverts? C'est pour qu'ils jouent dans la cour de l'école, aussi bête que ça. C'est incroyable. Et donc, si vous voulez, dans cette affaire-là, peut-être que j'ai tort, mais il me semble que de comprendre ces éléments, ça devrait aider au contraire à la lutte pour empêcher ça. C'est-à-dire pour pas se tromper de cible. Je peux quand même intervenir là-dessus là. Non, si c'est 20 millisieverts, c'est parce qu'ils sont aperçus très vite que si on évacuait tous les autres, parce qu'ils ne voulaient pas payer. Ils ne voulaient pas avoir. Et ça, c'est vraiment. Mais excusez-moi, c'est quand même révoltant de dire que non. Ce maire, ils ont expliqué, c'est la seule ville qui a fait venir des gens évacués parce qu'il y avait la cérémonie de la fin de l'année scolaire et du début de l'année scolaire. Ça, c'est quand même absolument criminel. Donc, j'espère qu'on va. Le problème, c'est vraiment que il y a le discours, dominant. Et ce qu'on entend aussi en France et évidemment au Japon, c'est que très vite, dès le début, on avait dit qu'il n'y avait pas de danger et qu'ils ont... Ils racontent, comme on n'explique rien, comme vous l'avez expliqué sur la thyroïde, des gens tout de suite sont devenus méfiants et ils ont peur, ils ont peut-être beaucoup trop peur dans un certain cas, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Donc c'est toujours le problème de ces dirigeants, des autorités qui ne font pas, qui ne respectent pas d'abord la santé et la vie de la population, et surtout qu'on prend des citoyens pas comme des êtres responsables et qui peuvent penser et avec qui il faut composer. Et non pas comme... c'est vraiment seulement de la gestion, quoi. Donc, en fait, en tant que Yosemon honnête, j'avais préparé un petit papier, mais on n'a plus tellement de temps, donc je vais faire ça en 2 minutes. C'est-à-dire que depuis plus d'un an, le Japon vit avec aucun réacteur nucléaire, et il n'y a pas d'effondrement de l'économie, et il n'y a pas eu beaucoup plus d'émissions de CO2, Et beaucoup de partis, en fait, alors tout le monde a dit oui, mais ils ont dépensé beaucoup plus de charbon et fuel, tout ça. Pas tellement, c'est surtout, c'était beaucoup d'abord le gaz, mais surtout les économies de la consommation d'électricité. Alors ça montre que si on fait des économies de la consommation électrique, on arrive très vite à arrêter, fermer très facilement 10-15 réacteurs aussi en France. Donc voilà, bon, je pense que la plupart des gens aussi sont persuadés. Alors, autre chose, nous avons une Japonaise qui était venue du Japon, mais malheureusement, on n'a pas le temps d'en parler. Parce qu'à la fin du mois de novembre, à Genève, il y a un colloque. Est-ce que vous êtes au courant? Oui, oui. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez en parler? Bis. Oui, non, il y a eu deux colloques, si vous voulez, à Genève. Le précédent et l'actuel. Bon, le précédent, c'était pour parler effectivement des phénomènes biologiques. Donc, on en a parlé ici un peu ce soir. Le prochain en novembre. C'est pour soulever une question très importante, mais à laquelle moi je ne suis pas compétent, c'est la question de génétique. Génétique au sens d'hérédité. Ça, c'est une question très particulière qui dépend du généticien, et donc il y a eu un rassemblement très important à Genève dans laquelle on veut essayer d'avancer, de travailler sur cette question. Ce n'est pas le fait que cette question soit controversée, c'est qu'on a besoin d'en savoir plus pour effectivement déterminer ce qu'il en est de ce point de vue-là. Donc, je suis tout à fait au courant. J'avais proposé au début de leur dire qu'on pourrait faire tout de même encore une petite part à la biologie, mais à juste titre, mes amis à Genève ont dit non, si c'est le sujet, c'est l'hérédité, on ne parle que de ça. C'est tout à fait normal. Mais c'est très important, en effet. Merci beaucoup. Et donc, alors, Madame Norala va participer à ce colloque parce qu'elle fait des études sur les mutations du papillon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez revenir peut-être à la prochaine projection.